Montès tourna, retourna le papier, reconnut l'écriture et fut frappé d'une idée juste, ce qui prouve combien sa tête était dérangée. « Ah ça, dans quel intérêt me déchirez-vous le cœur ? Car vous en avez acheté bien cher le droit d'avoir ce billet pendant quelque temps entre les mains, pour le faire lithographier !» dit-il en regardant Carabine. « Grand imbécile ! » dit Carabine à un signe de Madame Nourrisson. « Ne vois-tu pas cette pauvre Cydalise, une enfant de 16 ans qui t'aime depuis 3 mois à en perdre le boire et le manger, et qui se désole de n'avoir pas encore obtenu le plus distrait de tes regards ?» Cydalise se mit un mouchoir sur les yeux et eut l'air de pleurer. Elle est furieuse, malgré son air de Sainte-Nitouche, de voir que l'homme dont elle est folle est la dupe d'une scélérate, dit Carabine en poursuivant. Et elle tuerait Valérie. « Oh, ça !» dit le Brésilien, « ça me regarde !»« Tuer, toi, mon petit ?» dit la nourrisson, « ça ne se fait plus ici !»« Oh !» reprit Montès, « je ne suis pas de ce pays-ci, moi. Je vis dans une capitainerie où je me moque de vos lois, et si vous me donnez des preuves... « Ah ça, ce billet, ce n'est donc rien !»« Non !» dit le Brésilien, « je ne crois pas à l'écriture. Je veux voir !»